J'y suis pas du tout aujourd'hui, là. J'arrive pas. Ces histoires de retraite, ça me prend la tête. Ah, c'est ça. Moi, je suis avec Monceau Assurance. C'est top. Tu épargnes ce que tu veux, quand tu veux, et t'en profites à ta retraite. T'as le contrôle du match, un peu comme moi, là. Pas mal. Allez, go! Prenez le contrôle de votre retraite et venez partager l'expérience Monceau Assurance. Plus d'infos sur monceauassurance.com. France Culture. Avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Médecine et philosophie, c'est notre série de cette semaine. Remontons ce matin aux sources antiques de ce qu'a été la médecine occidentale, au moins jusqu'à la Renaissance. Hippocrate et Galien, quel était exactement leur savoir médical ? Hippocrate avait 10 ans de moins que Socrate et 32 ans de plus que Platon. Il a vécu dans ce siècle grec, le 5e avant Jésus-Christ, réputé pour avoir donné naissance à la philosophie. Et il ne fait pas de doute qu'Hippocrate a œuvré à proposer, face aux maladies, une approche rationnelle. C'est l'occasion ce matin d'interroger le savoir médical exact des premiers fondateurs de la médecine occidentale, Hippocrate donc au premier chef, puis son disciple Claude Galien, qui lui a vécu au 2e siècle après Jésus-Christ. Nous accueillons en effet deux spécialistes de ces personnages et nous aimerions beaucoup qu'elles nous expliquent cette rationalité médicale originelle, ses forces, ses limites, ses rapports avec la philosophie, mais aussi avec la religion qui ne manquait pas d'explications concernant les maux affectant les humains. Il faudra aussi demander à nos deux invités jusqu'à quel point et combien de temps exactement ce savoir hippocratique et galénique a dominé la pratique et la théorie du soin en Occident. Bonjour Florence Bourbon. Bonjour. Vos travaux sur Hippocrate sont impressionnants et concernent tout particulièrement le savoir et les pratiques de celui-ci en matière de gynécologie. Et bonjour Véronique Boudon-Milot. Bonjour Géraldine Mühlmann. Nous vous avons déjà reçu pour votre livre « Vieux, un grec ne peut pas l'être » paru aux Belles Lettres il y a quelques mois et déjà, votre connaissance des approches grecques anciennes des fluides du corps, de la diététique et du soin nous avait passionné. Reprenons ces questions aujourd'hui avec vous qui connaissez bien et Hippocrate et son disciple Galien. Bien voilà, à ma prise de poste, je commence par aller voir Madame Richard dans sa chambre et là, je la trouve inanimée. Bon, vraisemblablement d'arrêt cardio-respiratoire. Donc, dans la panique, j'ai appelé la réanimation tout de suite. Après, j'ai appelé Benjamin, l'interne de garde. Donc, l'équipe de réa est arrivée très, très vite. Ils ont massé, ils l'ont intubé. Le cœur est reparti rapidement. Benjamin est arrivé. Et là, il y a eu une discussion avec le senior de réa. Pendant ce temps-là, moi, je continue à m'occuper de Madame Richard, qui était repartie. Bon, je crois que c'est clair pour tout le monde. Peu importe qui a fait quoi, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont débranché une patiente que mon équipe avait réanimée avec succès. Mais tu sais que c'est pas fini. La famille peut encore porter plainte. Ils vont pas faire ça, ils étaient là. Ils étaient d'accord. Ils voulaient pas qu'on s'acharne. Oui, c'est ça. Tu sais, les familles qui sont d'accord et puis qui changent d'avis parce qu'elles culpabilisent, c'est un grand classique. Renseigne-toi avant de faire des conneries. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Enfin, tu le sais très bien, quoi, ça va. Ah non, mais on nage en plein délire, là. T'es en train de me dire qu'il a eu raison d'interrompre une réanimation alors que le cœur était reparti ? La connerie, c'était de la réanimer. Ah, mais on n'arrête pas une réanimation efficace. Point. Et on va pas changer les règles parce que c'est ton fils. Monsieur, s'il vous plaît. Vous, docteur Rezac. C'est docteur Rezac. Docteur Rezac. Concrètement, vous êtes médecin. Vous avez exercé comme tel dans votre pays. Donc vous savez bien qu'on n'arrête pas une réanimation. Et si je ne suis qu'un interne ? Il faut quand même prendre en compte que dans les 3 ou 4 mois maximum, cette patiente serait morte. C'était vraiment un cas limite pour une réanimation. On pourrait parler de réanimation abusive. Ah mais je rêve, là. C'est qu'on va me donner des leçons, maintenant. Mais vous, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas trouvé seul de garde la nuit ? La prochaine fois, je vous demanderai l'autorisation avant de réanimer docteur de Normandie. Hein ? Votre bip, c'est ? France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Cet extrait que vous venez d'entendre du film Hippocrate, réalisé par Thomas Lilti en 2014, illustre bien la difficulté de ce qu'on appelle le triangle hippocratique, c'est-à-dire le jeu à trois, formé par un médecin, son patient et la maladie. D'abord, comme on l'entend, il y a souvent plusieurs médecins, à l'hôpital notamment, et puis autour du patient, il y a des proches qui comptent et qui comptent parfois particulièrement quand le patient est inconscient. Alors bien sûr, quand tout va bien, mais quand rien ne va plus, eh bien on cherche des règles, voire la loi, ce qui est un des enjeux aussi de cet extrait. Passons à l'Antiquité. Florence Bourbon, ce triangle hippocratique, est-ce que Hippocrate savait bien lui-même qu'à la fois il était une structure reine dans la médecine et qu'il était une structure très, très fragile? Alors, ce triangle hippocratique, il a un grand intérêt, c'est qu'il permet aux auditeurs de bien visualiser que le médecin traite à la fois le médecin, le malade et la maladie. Le problème, c'est que la maladie, elle est vraiment interne et qu'il faut l'analyser. Donc, le médecin doit surtout observer et chercher les causes, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que vous en pensez, Véronique Boudon-Milo? Tout à l'heure, on va lire, bien sûr, un extrait du serment d'Hippocrate, la question des proches et du rapport que le médecin doit avoir avec la famille est présent, elle est présente dans le serment. Hippocrate, autant qu'on le sache, était-il attentif à ce problème, en vérité, des relations avec tous les proches du patient? Certainement. Alors, ce que montre bien l'extrait sonore que vous avez choisi, c'est que on est au sein d'une confrontation entre, effectivement, d'une part, l'intérêt des familles, des malades et du médecin. Et pour que cette confrontation aboutisse à un résultat souhaité par l'ensemble des deux parties, la maladie, on va la mettre à part, il faut qu'il y ait une coopération, effectivement, la plus étroite possible entre le patient, là, qui est inanimé, mais et son médecin contre la maladie. C'est ça qui illustre, en quelque sorte, cette relation triangulaire. Et il y a un principe absolu qui doit guider cette relation et édicté donc par Hippocrate déjà, qui est toujours d'être utile et de ne pas nuire. Et dans ces quelques mots, on a tout le principe de cette relation, à savoir que le médecin doit mettre tous les moyens à disposition du malade, mais doit savoir aussi s'arrêter, suspendre son geste ou son intervention dès lors qu'il considère qu'il n'est plus dans l'intérêt du malade de poursuivre ce geste ou ce traitement. Donc il y a à la fois déjà inscrit dans cette formule hippocratique, être utile et ne pas nuire, l'obligation de tout mettre en œuvre et en même temps de savoir suspendre son geste, toujours dans l'intérêt du malade. Merci pour ces précisions. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu d'Hippocrate comme homme. Florence Bourbon, qui était-il? Est-ce qu'il est... Donc, il vit au milieu du 5e siècle. Avait-il des relations avec les philosophes que j'ai évoqués d'entrée de jeu? Socrate, qui avait juste 10 ans de plus que lui. Était-il... il ne faudrait pas projeter des catégories modernes, mais était-il une sorte d'intellectuel, de savant, travaillant au milieu d'autres intellectuels et savants? Alors, Hippocrate est une figure légendaire dont il nous reste peu d'informations. D'Hippocrate, il nous reste certains écrits, on peut attribuer certains traités. En général, on évite de parler d'Hippocrate, on parle plutôt de corpus hippocratique ou de collection hippocratique. Et quand on cite un traité des écrits qui nous sont restés, on a tendance à parler de l'auteur de Maladies sacrées, l'auteur de l'art, pour ne pas se tromper, parce que la question hippocratique, à savoir qui était Hippocrate et ce qu'il a réellement écrit, reste problématique. Le corpus que vous évoquiez, c'est un peu, c'est gros. Il y a 60 traités. Ça représente 10 gros volumes d'une édition de référence du 19e siècle qui est celle de l'édition Littrée. Et il y a beaucoup de volumes parus aux belles lettres dans la collection des universités de France déjà. Alors vous avez évoqué la maladie sacrée, on va y revenir, c'est l'épilepsie et d'une certaine façon Hippocrate l'a aussi un peu désacralisé, on va y revenir. Mais d'abord, ces considérations biographiques, historiques, qu'est-ce que vous pourriez ajouter, Véronique Boudon-Milo, sur Hippocrate? Puis après je vous poserai aussi la question concernant Galien. Alors, sur Hippocrate, on sait qu'il vivait sur l'île de Kos et qu'il avait rassemblé autour de lui une école où il enseignait uniquement à ses fils, à ceux qui lui étaient proches au départ, les Asclépiades. Et puis, ce qui a eu lieu au moment de la vie d'Hippocrate, c'est l'ouverture de ce cercle étroit de cette famille des Asclépiades, ainsi nommée parce qu'elle prétendait descendre d'Asclépios, le dieu de la médecine. Oui. Eh bien, on va assister à une ouverture de ce cercle étroit, familial, et à un enseignement de la médecine qui va s'ouvrir donc aux personnes extérieures à cette famille, de façon à pouvoir faire rayonner cet art médical dans toute la Grèce. Et Hippocrate lui-même donnera l'exemple en allant dans le nord de la Grèce, notamment à Thasos, et on aura ainsi un rayonnement de cet art médical jusqu'à Athènes, et Platon entendra parler d'Hippocrate et citera le nom Hippocrate comme un modèle de rationalité et de méthode dans le Phèdre. Alors, à quel moment Hippocrate s'est décrété médecin et a été reconnu comme tel, et son école, ça brassait du monde. Autrement dit, là encore, pardon, peut-être que j'emploie une expression moderne, quoique, y a-t-il une institution derrière la figure d'Hippocrate ? Alors, institution médicale, surtout pas. Une école de médecine. À l'époque, surtout pas. Surtout pas. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'école. Au départ, donc, l'enseignement est familial. Et ensuite, celui qui veut apprendre la médecine doit s'attacher au pas d'un grand médecin. Et c'est aux côtés de ce grand médecin ou de ces grands médecins qu'on apprend la médecine. Et le choix de celui auquel on attachera ses pas est évidemment fondamental. Il y a une autre dimension fondamentale, c'est que certains concours étaient organisés par les cités pour recruter leurs médecins, puisqu'il n'y avait pas de diplôme, donc oui. Comment juger finalement Et alors c'était l'aspect rhétorique qui pouvait primer, et c'était celui qui parlait le mieux, et ça Platon l'a dit et pour le condamner, celui qui parlait le mieux, qui pouvait être élu, choisi comme médecin, et non pas celui qui forcément dominait le mieux son art médical. Donc là, une difficulté inhérente finalement à l'organisation de l'enseignement. Est-ce que ces choses vont être réglées avec Claude Galien? Donc, laquelle de vous deux voudrait me présenter maintenant un peu Claude Galien, né en 129 après Jésus-Christ? Non, je vais laisser Irène Boudon, mais je voulais juste rajouter, oui, vous avez posé tout à l'heure la question sur si Hippocrate était cultivé. On ne peut pas être, grec, érudit, sans avoir une maîtrise de la rhétorique. Donc, oui. Les traités techniques sont très beaux, et c'est un milieu intellectuel, absolument. D'accord. Même s'il n'est pas encore institutionnalisé, absolument. Comme vient nous l'expliquer. Enfin, en tout cas, la médecine n'est pas institutionnalisée, mais le milieu intellectuel existe. Alors, Galien, maintenant, je vous écoute. Alors, Galien, on change complètement d'époque et de culture, puisque Hippocrate, vous l'avez dit, c'est 5e siècle avant, c'est l'époque de Platon, et c'est le règne d'Athènes intellectuel. À l'époque romaine, au 2e siècle après Jésus-Christ, le centre intellectuel s'est déplacé à Rome, et Galien, bien que né à Pergame, en 129, vous l'avez dit, c'est-à-dire en Asie mineure, actuelle Turquie, va faire toute sa carrière à Rome. Et Galien sera le médecin philosophe par excellence, parce que, ayant commencé par des études de philosophie, à 14 ans, nous raconte-t-il dans ses écrits, il eut la conscience que les philosophes se contredisaient entre eux, et qu'il y avait autant de philosophes que d'opinions, presque, et qu'il était menacé, lui, Galien, de tomber dans le doute pyrrhonien, c'est-à-dire le scepticisme le plus total. Aussi s'est-il tourné vers un art, techné, car la médecine est un art pour les Grecs, qui repose sur des bases rationnelles, qui sont susceptibles d'ailleurs d'être démontrées, d'une démonstration. Et ça, c'est la médecine qui pouvait apporter ce côté rationnel. Et Galien, après des études de philosophie, entame des études de médecine. Et proclamera jusqu'à la fin de sa vie, y compris dans le titre d'un de ses traités, que l'excellent médecin est aussi, j'allais dire presque obligatoirement, philosophe. Est-ce qu'on peut dire que Hippocrate, je crois que c'est sa formule, tenait la médecine pour la grande sœur de la philosophie, et que pour Galien, d'une certaine façon, c'est le contraire? C'est d'abord la philosophie, l'aînée, et ensuite se développe la la médecine? Alors, la relation médecine et philosophie est extrêmement complexe. L'aborder, pour dire les choses le plus simplement possible, quand Hippocrate, il faut revenir à Hippocrate, fonde cette médecine rationnelle, cette techné, il y a un héritage, celui de ceux qu'on appelle les présocratiques ou les physicoi, c'est-à-dire les spécialistes de la nature. Oui. Et cette considération de la nature, cette prise en compte, cette explication de la nature sur lesquelles les philosophes physicoi ont travaillé avant Hippocrate, expliquait l'univers à partir de quatre éléments. Oui. Et enfin, certains d'entre eux. Hein. Je suis obligée, éléments, je suis nommer, voilà, déjà voilà, les quatre éléments. L'eau, l'air, la terre et le feu. Exactement. Et cette organisation du cosmos va être transposée par certains médecins au corps humain, à la nature de l'homme. Et c'est ainsi que ce corps humain sera expliqué, saisi à travers cette théorie des quatre humeurs. Donc selon qu'il est chaud, froid, humide, alors sec, ça c'est les quatre bien éléments. Oui, mais on voit bien. Aura, coup, voilà, toujours. Hein, voilà, oui, c'est la filiation. Voilà, d'accord, quatre éléments, les quatre humeurs, et ensuite les quatre qualités chaud, froid, sec et humide. Et derrière cet arrière-plan philosophique d'explication de la nature transposée à l'homme va être l'arrière-plan de la médecine hippocratico-galénique. Et donc, pour Galien, vous n'avez pas l'impression que c'est la philosophie qui l'emmène vers la médecine, alors que pour Hippocrate, on a vraiment l'impression que c'est la physique que vous venez de décrire qui est la relation alors, au, effectivement, au patient la situation, qui exige de la philosophie. C'est absolument, pas la même parce que la situation n'est pas la même pour Hippocrate, qui veut fonder un art nouveau, une techné iatriquée, un art médical. Il va falloir se détacher de la philosophie. Donc effectivement, sans renier la philosophie, il va falloir s'en détacher, même si ce détachement n'est pas réel. Pour oui, Galien, c'est l'inverse. D'accord. Vous voulez ajouter peut-être quelque chose, notamment sur cette relation médecine-philosophie chez l'un et l'autre, Florence Bourbon. Oui, voilà, on parlait d'héritage présocratique. Je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à faire des ruptures qui n'existaient pas à l'époque. Oui. On peut pas cliver à l'époque d'Hippocrate rhétorique, philosophie et médecine. Tout ça s'imbrique et ça marche ensemble, comme l'a dit ma collègue, c'est extrêmement complexe. Oui. Mais voilà, on peut pas cliver comme on aurait tendance à le faire aujourd'hui. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est que il y a quand même près de 7 siècles qui les séparent et Hippocrate, c'est le corpus de Galien. Je veux dire qu'entre les deux, il ne semble pas y avoir d'invention, de figure médicale qui aurait renouvelé, qui aurait changé la donne. Alors ça, ce sont les aléas de la tradition des manuscrits. Il y a eu des pertes, forcément. Hein. Dans ce que vous dites, il y a un inconvénient, c'est que Galien propose une lecture très personnelle d'Hippocrate et qu'il était souvent dans l'ennui avec les écrits hippocratiques. Par exemple, dans les traités gynécologiques, vous avez un déplacement de l'utérus. Les médecins imaginaient que l'utérus se déplaçait. Or, Galien pratiquait l'anatomie sur les singes et avait pu constater que l'utérus avait des ligaments, donc que l'utérus ne pouvait pas se déplacer. Donc, nous avons perdu, par exemple, les commentaires de Galien sur les traités gynécologiques. Je pense qu'il a été très embarrassé par le savoir hippocratique qui ne correspondait pas à ce qu'il connaissait. Mais avant lui, peut-être ne le sait-on pas d'ailleurs, il n'y a eu aucune figure avant Galien pour vraiment renouveler les choses. Il y a eu des figures très importantes. Alors, comme le disait Florence Bourbon, le problème, c'est que nous avons perdu ces textes et qu'ils ne nous sont connus qu'à travers le témoignage de Galien, qui parfois les manipule, comme cela a été bien dit. Et en particulier, nous avons perdu toute une littérature anatomique qui a été produite à Alexandrie, au 3e siècle avant notre ère, où ont eu lieu des dissections sur des cadavres humains. Les deux grandes figures de cette époque-là, ce sont Hérophile et Erasistrate, et leurs observations, faites à partir de dissections, ont permis, par exemple, d'isoler et de distinguer les veines et les artères, oui, les nerfs, des parties du corps qui n'étaient pas connues à l'époque hippocratique, et préciser cette connaissance du corps humain. Et ces écrits-là sont perdus, mais Galien les avait. Et il les cite, et il va les utiliser, mais lui-même ne pourra faire que des dissections animales, car pour des raisons là aussi assez complexes, la dissection humaine n'était plus possible à Rome et à l'époque romaine. C'est un point très important. Très important. Ne serait-ce que pour constituer des planches anatomiques. Là encore, je ne sais pas si le mot de planche est correct. Des dessins, je présume quand même qu'à un moment... Il y avait des squelettes. Il y avait des squelettes, Galien nous le dit, et il nous dit s'il y a une seule raison d'aller à Alexandrie à mon époque, c'est-à-dire à l'époque romaine, où on ne fait plus de dissection, mais il faut quand même continuer à aller à Alexandrie, parce qu'on peut voir au moins ces squelettes humains, et on aura ainsi une connaissance tout à fait précise des os humains. Effectivement, on a un traité de Galien sur les os qui est extrêmement précis. Donc, le squelette humain était parfaitement connu. Pour ce qui est du reste des structures anatomiques, très difficile à observer de toute façon avec les conditions de l'Antiquité. Donc c'était interdit au 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, c'est ça? Ça n'était pas pratiqué. Oui. Et après, Galien, c'était interdit pour le coup, religieusement je crois. Alors non, c'est assez complexe, il y avait un tabou. En réalité, un tabou. Il devait être de toute façon très pénible de pratiquer une dissection, ça l'est toujours, y compris pour les étudiants en médecine d'aujourd'hui qui recourent de plus en plus aux images et à l'intelligence artificielle. On ne dissèque, vous savez, pratiquement plus dans les facultés de médecine aujourd'hui. On le sait assez peu, mais c'est la réalité. Et donc... Pour disséquer, il faut un bon éclairage, il faut des conditions de conservation qui, dans un pays chaud méditerranéen, ne pouvaient pas être réunies. Donc déjà des conditions matérielles très difficiles avec des cadavres qui devaient se décomposer très rapidement. Et donc une fois qu'on avait vu tout ce que l'on pouvait voir avec à la fois les instruments et dans les conditions qui étaient celles du monde antique, eh bien cette période où on a disséqué s'est refermée. Et puis jusqu'à la Renaissance. Nous avons fait une émission sur De Vinci et Durer, et là jusqu'à la Renaissance. La dissection est, dans l'ambiance. Hein. Tout à fait. Oui. Alors dissection humaine, parce que en revanche on a beaucoup disséqué des animaux. Aristote, Galien, et sur la dissection animale, on a fait des constatations et des découvertes, mais qui, lorsqu'on les a importées à un modèle humain, évidemment, se sont avérées parfois complètement erronées. Florence Bourbon, là, vous êtes spécialiste des traités et du savoir gynécologique, notamment d'Hippocrate. Et c'est vrai que là, sur l'anatomie, il y a toujours une question qui porte sur l'anatomie du sexe féminin. Est-ce que Hippocrate et Galien le connaissaient bien? Vous savez très bien, je pense, qu'on s'interroge sur l'absence de beaucoup de planches anatomiques médiévales, du clitoris par exemple, alors qu'il a été... redécouvert, je parle des savants, un peu à la Renaissance, mais en réalité, est-ce que ça a été recouvert, si j'ose dire? C'est-à-dire, est-ce que dans l'Antiquité, Hippocrate et Galien, eux, connaissaient très bien les organes génitaux de la femme? Alors, Hippocrate pratiquait en fait le toucher interne. Donc en fait, on peut examiner une femme comme les gynécologues aujourd'hui l'examinent, avec un toucher digital. Donc ils ont une approche par le toucher, une approche aussi par l'observation qui va rester somme toute externe, puisque en l'absence d'anatomie, on ne peut pas aller très loin. Donc il faut attendre dans la médecine hippocratique que l'externe se manifeste. Donc dans les blessures de guerre, on va avoir des renseignements sur le corps humain, et en cas de procidence de l'utérus, on va se rendre compte qu'il existe un organe de procréation. Mais l'anatomie est très, très peu connue. Donc le clitoris, qui est quand même un sujet pour les femmes, parce qu'elles ont l'impression qu'on a découvert cette chose-là à la Renaissance. Enfin, et puis qu'ensuite, on n'en a plus parlé. Enfin, c'est un vrai sujet pour beaucoup de féministes. Oui, vous savez, je voudrais savoir. Absolument. Donc le clitoris, non. Enfin, oui. Ou du moins. Dans certains textes, sont mentionnés une partie du clitoris. Mais de toute façon, le clitoris, il n'est découvert scientifiquement que récemment. C'est uniquement récemment qu'on a découvert qu'il rentrait dans le vagin, et que c'était toute une. C'était connecté au vagin. Très bien. Bah, écoutez, merci. Je vous propose maintenant, après avoir, si j'ose dire, débroussaillé le terrain, poser la question des connaissances anatomiques et évoquer un tout petit peu le triangle hippocratique, je vous propose qu'on prolonge les questions de philosophie de la médecine d'Hippocrate, car le serment d'Hippocrate, alors peut-être que par ailleurs les connaissances médicales d'Hippocrate sont un peu démodées maintenant, mais pour ce qui est de la philosophie de la médecine et du serment, il y a une extraordinaire actualité de ce qu'il a pu dire. Écoutez. J'utiliserai tout le régime pour l'utilité des malades, selon ma capacité et mon jugement. Mais si c'est pour leur perte ou pour une injustice à leur égard, je jure d'y faire obstacle selon ma conscience. Je ne remettrai à personne une drogue mortelle si on me la demande, ni ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion. De même, je ne remettrai pas non plus aux femmes un pessaire abortif. C'est dans la pureté et la piété que je passerai ma vie et exercerai mon art. Je n'inciserai pas non plus les malades atteints de lithiase, mais je laisserai cela aux hommes spécialistes de cette intervention. Dans toutes les maisons où je dois entrer, je pénétrerai pour l'utilité des malades, me tenant à l'écart de toute injustice volontaire, de tout acte corrupteur en général, et en particulier des relations sexuelles avec les femmes ou les hommes, libres ou esclaves. Tout ce que je verrai ou entendrai au cours du traitement, ou même en dehors du traitement, concernant la vie des gens, si cela ne doit jamais être répété au dehors, je le tairai, considérant que de telles choses sont secrètes. Alors c'était Carla Michel de notre équipe qui lisait une partie du serment d'Hippocrate. D'abord j'aimerais savoir pourquoi Hippocrate, c'est tout bête, a écrit ce serment. Est-ce qu'il éprouvait déjà dans son rapport aux malades et à leur famille des difficultés, le besoin d'édicter un certain nombre de règles? Véronique Boudon-Milot. Pour le comprendre, il faut revenir à l'organisation que j'indiquais tout à l'heure des études médicales. Pour être admis dans le cercle de ceux qui allaient apprendre cet art, eh bien, il fallait prêter serment. Un peu aujourd'hui, comme on prête serment avant de devenir avocat ou... Et ce serment, c'est la garantie que l'on ne va pas révéler ce que l'on a appris auprès de son maître. C'est finalement l'adhésion à un maître, une école, un enseignement et le rappel des principes que l'on doit évidemment observer quand on va exercer cet art à son tour. Donc, comme il n'y avait pas de diplôme, au moins il y avait un serment. Le ne pas nuire d'Hippocrate n'est pas tout à fait explicité dans le serment, même si, même dans l'extrait qu'on entend, il y a quelques indices de cela. Je ne ferai que ce qui est utile aux malades, ce qui suggère qu'il faut faire d'abord attention à ce qui est non seulement inutile, mais néfaste. En même temps, j'ai cru comprendre que Hippocrate lui-même, lorsque les patients étaient à l'article de la mort, alors là, on pouvait tout tenter, quoi. D'une certaine manière, là, on pouvait tenter des traitements qui éventuellement allait nuire, puisque de toute façon, la morgue était... Peut-être d'ailleurs, est-ce toujours le cas? En tout cas, on se dit qu'à ce moment-là, on peut tenter des choses qu'on ne tenterait pas si la vie n'était pas en danger? Oui, toujours avec le guidé par ce même principe que le geste doit toujours être, quel qu'il soit, même celui de la dernière chance, tenté en vue de l'utilité du malade et jamais avec le risque d'aggraver les choses. Mais ce qui est important aussi dans l'écriture de ce serment, c'est de fixer les limites et les contours de ce que nous appelons d'un mot moderne l'éthique médicale. Oui. Et il y a au sein de ce serment cette idée toujours très moderne qui est celle du secret très médical. Important, c'est très important. C'est très clair et très saillant dans le serment. Et un secret d'autant plus important que le médecin est celui qui va pénétrer dans l'intimité des maisons et qui, en pénétrant dans l'intimité des maisons, va y voir et va être amené à y faire des choses qui doivent être très encadrées. Il y a l'interdiction, bien sûr, de donner du poison, puisqu'il connaissait les formules. Dans une société où, par exemple, à l'époque romaine, les empereurs mouraient assez rapidement et facilement empoisonnés. Il y a, évidemment, l'abstention de causer la mort. Alors, dans le serment moderne, c'est des choses qui vont évoluer. Par exemple, l'interdiction de causer un avortement, donc de donner un abortif. Et il y a aussi le fait de toujours privilégier l'intérêt de son patient. Il faut vraiment, vraiment toujours revenir à cela. Et ce serment, il est encore prononcé aujourd'hui par les médecins après leur soutenance de thèse, avec des modifications, des aménagements, mais cette grande idée qu'il faut obéir à une éthique médicale qui doit guider tous les gestes et toutes les interventions du médecin. Ce matin, Véronique Boudon-Milot et Florence Bourbon, pour lesquels Hippocrate et Galien n'ont aucun secret, sont en train de nous expliquer ce qu'était, au fond, la médecine avant la médecine moderne, la médecine antique et médiévale qui était marquée par les figures d'Hippocrate et de Galien. Florence Bourbon, pas d'abortif que le médecin puisse donner, affirme le serment d'Hippocrate. Pas de poison risquant de faire mourir le patient. Euthanasie et avortement, on comprend bien là pourquoi ça a longtemps résisté dans les milieux médicaux à ces deux choses. Est-ce que pour Galien, par exemple, ou Hippocrate, c'était lié au fait qu'ils ne voulaient pas heurter la religion de leur temps ? Je pense que les auditeurs auront peut-être perçu que ce n'est pas l'abortif qui est déconseillé, mais le pessaire abortif. Alors, il faut expliquer ce que c'est qu'un pessaire. Oui. Un pessaire, c'est une préparation pharmaceutique enveloppée d'un linge et qui est insérée dans le vagin pour être appliquée contre l'utérus. Donc, ce n'est pas une potion abortive que défend le médecin hippocratique. C'est un pessaire abortif et effectivement, on a énormément de textes qui précisent que tous ces pessaires pouvaient avoir un effet ulcérant et qui pouvaient conduire à la stérilité de la patiente. Donc ce sont des propos à nuancer et là je pense qu'on s'en va plutôt vers l'erreur médicale, oui, qui pourrait entraîner la stérilité de la patiente. Alors évidemment, c'est associé à la notion de mort. Et même chose, il faut savoir aussi que la drogue mortelle pharmacone, ça désigne aussi bien la drogue que le médicament. Oui, c'est vraiment en parlé hier. Un mot ambivalent. Dans le premier épisode. Les médecins savent qu'un pharmacone trop fort peut nuire au malade. Donc en fait, involontairement, ils ont à disposition des drogues qui peuvent devenir mortelles. Oui. Donc il s'agit vraiment peut-être plutôt de l'erreur médicale. On parle des drogues, vous voulez bien ? J'aimerais bien savoir ce dont ils disposaient, puisque c'est une des possibilités de traitement. Il y avait une pharmacopée, on en évoquera d'autres, peut-être un traitement par manipulation, en gynéco, on va en parler. Et puis on va parler aussi de la diététique, etc. Mais la pharmacopée, quand même, ça existait. Est-ce que, à part le pavot, et donc quelque chose comme des opiacés, les médecins antiques, puis les médecins médiévaux, disposaient d'autres choses importantes, intéressantes, reconnues aujourd'hui comme ayant de vrais effets. Alors, Véronique Boudon-Milot, voilà. Allez-y, foncez. On veut tout savoir sur les drogues. J'y vais parce que s'il y a un mot qui est passé dans la langue française, c'est la galénique. Et ça concerne directement la pharmacie. Et c'est directement hérité de Galien. Et là, je parle pour la période romaine, les choses étant différentes naturellement à la période hippocratique. Pour la période romaine, on a 3000 pages de recettes médicales rassemblées par Galien. Donc on a quelque chose là d'absolument considérable qui n'est pas traduit dans une langue moderne et qui accumule des listes d'ingrédients avec des quantités plus ou moins mal transmises par les manuscrits dont nous dépendons, qui font que nous pouvons tout au plus, dans ces listes d'ingrédients, essayer d'en identifier certains. Et ce que nous savons, c'est qu'il existait à peu près des recettes pour à peu près tout. Voilà. Mais est-ce qu'elles marchaient ? Alors, c'est très difficile. Et voilà. Ouais. Et toute la question est là. Vu l'accumulation et le nombre de ces recettes, on peut quand même supposer que certaines avaient un relatif effet. Mais cet effet est très difficile à mesurer. Alors, on intégrait dans ces recettes des ingrédients venus d'Orient, des ingrédients précieux, rares, chers. Et évidemment, selon la classe sociale, on avait recours à des recettes plus ou moins précieuses. Et complexes. Et complexes. Que Galien disposait d'un mélange qu'il avait concocté avec 77 ingrédients, dont du latex tiré du pavot. Donc là, je vois bien là l'effet de l'opiacé et ça s'appelait la thériaque, c'est ça? Laquelle, oui, de vous deux veut m'expliquer ce qu'est cette potion? Bon, la thériaque, c'est une composition multiple qui a évolué au fil du temps, puisqu'on pouvait augmenter le nombre d'ingrédients indéfiniment. Il y a des variations pharmaceutiques. C'est ce qu'on appelle une panacée, c'est-à-dire c'est un remède miracle qui est censé tout traiter. Tout traiter. Vous avez remarqué la présence des opiacés, donc ça va être surtout un antidouleur. Oui. Et voilà, on a encore aujourd'hui des exemples comme ça. Mais c'est... Alors, à part la pharmacologie, donc qui existe avec la pharmacopée, avec les réserves éventuelles qu'on peut émettre aujourd'hui, il y avait fondamentalement le régime de vie, notamment la diététique. Par ailleurs, le fer, la chirurgie, dans le serment d'Hippocrate, on sent là aussi qu'il y a une distinction entre le médecin et le chirurgien. C'est autre chose, c'est un autre personnage que la médecine, c'est d'ailleurs assez intéressant. Parfois encore dans le corps médical d'aujourd'hui, on a l'impression que les médecins parlent des chirurgiens comme d'autres sortes de médecins qu'eux. Et puis, il y avait peut-être la manipulation. Alors, je me tourne vers vous, Florence Bourbon, parce que je crois comprendre que les femmes... On observait beaucoup les mucosités en général et pas seulement gynécologiques. Je crois que c'est ça qu'on appelle le phlegme. Et puis en fonction de ce qu'on observait, on observait le sang menstruel. Et s'il y avait des problèmes dont se plaignait la patiente, on se permettait des intrusions. C'était très invasif, ça pouvait, je présume, être douloureux. Enfin, on y allait franchement en termes de manipulation, même si je ne suis pas sûre qu'on savait exactement ce qu'on faisait. Je me trompe, Florence Bourbon ? Non, les médecins hippocratiques ont une étrange réputation de douceur sur Internet, mais franchement, je ne sais pas d'où ils la tiennent, parce que dans la réalité, ce n'est pas ça. On déplaçait l'utérus, enfin, on croyait qu'on pouvait le déplacer. Alors, les médecins étaient persuadés que l'utérus se déplaçait dans le corps. Donc, en fait, pour le faire redescendre, ils faisaient respirer aux femmes des fumées nauséabondes par les narines et des fumées dont les odeurs étaient agréables à l'entrée de l'utérus. Mmh. Et en fait, ils étaient persuadés qu'on pouvait replacer un petit peu l'utérus. Mais surtout, les médecins, en cas de dystocie, sont capables d'une grande violence pour essayer de sauver la vie de la femme. On a des descriptions d'excision, alors que la femme n'est pas endormie, on lui cache simplement le visage pour qu'elle n'assiste pas à ce qui se passe. Et on pratique aussi la succussion, c'est-à-dire une secousse forte. Alors, on attache la femme sur un lit. Selon ce qu'on veut obtenir, si on veut faire rentrer l'utérus, on va lui mettre la tête en bas parce qu'il s'agit de la secouer pour faire rentrer l'utérus. Si on veut expulser le fœtus, qui est souvent mort dans ces cas-là, on va l'accrocher sur le lit, la tête en haut, et on va la secouer pour l'aider à évacuer le fœtus. Au secours. Je suis un peu sonnée par le traitement, mais ça correspond bien à ce que j'avais lu un peu en préparant cette émission. Véronique Boudon-Milot, Hippocrate et Galien et tous les médecins marqués par ce double corpus, manipulent-ils aussi toutes les sortes de patients ? Est-ce qu'ils les secouent, etc. Alors, cette réputation de douceur de la médecine hippocratique, elle est quand même pas tout à fait usurpée. Et il faut dire que ces manipulations extrêmes et effrayantes qui viennent d'être décrites étaient condamnées par une partie des médecins qui n'adhéraient pas tous à ces manipulations, loin de là, au nom d'une médecine qui se voulait une médecine spectacle. Et il fallait faire très attention pour ne pas attirer le chaland, le futur patient. Il ne fallait pas multiplier ce genre de manipulation qui souvent était là pour faire de la publicité et pour attirer les foules. Il y a de l'autre côté, si je puis dire, un autre versant donc de la médecine hippocratique qui s'oppose à la médecine égyptienne et qui est incarnée par un autre médecin antérieur à Hippocrate, Démocédès de Crotone, qui lui est justement connu comme médecin grec pour avoir soigné la cheville de la femme d'un Perse. Du Perse en question, avoir soigné cette cheville avec des moyens tout à fait doux, alors que les médecins égyptiens de ce même roi avaient eu recours à des moyens extrêmement traumatisants pour le malade. Médecine et philosophie, c'est notre sujet toute la semaine. Et là, je vous propose d'écouter un texte de Galien qui évoque précisément les liens entre philosophie et médecine. Que manque-t-il pour que le médecin qui exerce dignement l'art d'Hippocrate soit philosophe ? S'il est vrai en effet que pour découvrir la nature du corps, les différences des maladies et les indications des remèdes, il convient de s'être exercé à la théorie logique, et si, pour se consacrer assidûment à ces exercices, il convient de mépriser l'argent et de s'exercer à la tempérance, alors il possède toutes les parties de la philosophie, la logique, la physique et l'éthique. Assurément, s'il est vrai que la philosophie est nécessaire aux médecins au début de leur apprentissage ainsi que dans la suite de leur exercice, il est clair que celui, quel qu'il soit, qui est un médecin accompli, est également philosophe. Car pour prouver que la philosophie est indispensable aux médecins pour pratiquer honorablement leur art, je ne pense pas que quiconque ait besoin d'une démonstration. Pour avoir souvent pu voir que ce sont les marchands de drogue et non les médecins qui sont des amoureux de l'argent et pratiquent leur art dans un esprit opposé à celui qui lui est naturel. Que l'excellent médecin est aussi philosophe, c'est de ce traité qui est extrait, ce traité de Galien qui extrait le texte que vous venez d'entendre. Florence Bourbon, la philosophie est essentielle au médecin, laisse au sens de philosophie éthique, rapport au patient et à sa famille, ou bien laisse au sens de connaissance, c'est-à-dire souci de connaître les éléments premiers. C'était bien cela que faisaient déjà les présocratiques. On a parlé des quatre éléments qui tenaient à cœur et qui étaient le vrai corpus, disons, des connaissances pour Hippocrate et Galien. Il y a aussi quatre humeurs dans le corps humain, le sang, le phlegme, la bile jaune, la bile noire. Est-ce que c'est vraiment au titre de connaissance que la philosophie est sollicitée, au titre connaissance, apprendre à connaître, ou est-ce seulement en matière éthique ? C'est évidemment aussi en matière de connaissance, puisque vous avez une approche rationnelle du corps. On doit observer le corps, prendre des indices, le faire parler et aussi essayer d'appréhender le monde invisible qu'est le corps, notamment en cas d'infection interne. Et pour appréhender ce monde invisible, on est obligé de raisonner par analogie. Oui. On a parlé tout à l'heure de macrocosme et de microcosme. Vous avez parlé des quatre éléments. On peut parler aussi de fluide, c'est-à-dire que la médecine hippocratique, ce n'est pas une médecine toujours anatomique, plutôt elle est anatomique dans les traités chirurgicaux de fractures, mais elle est physiologique. C'est-à-dire, en fait, on va s'intéresser aux flux et aux humeurs, qui ne sont pas toujours que quatre. Donc les humeurs, ça veut dire les fluides, en fait. C'est les fluides, voilà. Et vous avez des témoignages, voilà. Et vous avez des témoignages d'auteurs hippocratiques qui vous disent, mais on ne peut pas penser le corps uniquement à partir d'une seule humeur qui serait le sang. On est obligé aussi de le penser à partir de l'eau, du phlegme, de la bile. Et donc tout ça, c'est pour décrypter le symptôme visible qui exprime quelque chose de l'invisible, la sémiosis des Grecs qu'on trouve dans d'autres philosophies, chez Épicure, c'est très important aussi. Donc, saisir ce qui est visible pour comprendre ce qui se passe dans l'invisible du corps. Oui, c'est ça. Et arriver à identifier la cause, c'est ça aussi la démarche des médecins. Et paradoxalement, ce n'est pas toujours la démarche des médecins contemporains qui ne cherchent pas forcément toujours la cause d'une maladie, mais qui cherchent peut-être plus les symptômes et un diagnostic. En fait, le médecin hippocratique se distingue par ce qu'on appelle le pronostic. C'est-à-dire, le médecin doit être capable de dire ce qui s'est passé avant qu'il arrive, de dire ce qui est en train de se passer dans le corps alors qu'on ne le voit pas, et de dire ce qui va se passer après qu'il intervienne ou non. Mmh. Et c'est donc une approche rationnelle. Bon, alors forcément, là, on est obligé de réfléchir aux médecins de Molière. Sont-ils des vrais médecins ou sont-ils des charlatans? En tout cas, ils sont quand même un peu les héritiers du corpus hippocratique et galénique, mais il reste à savoir de quelle manière. Nous allons, monsieur, prendre congé de vous. Monsieur, je vous prie de me dire un peu comment je suis. Demain, prenez l'autre bras de monsieur pour savoir si vous saurez porter un bon jugement de son pouls. Quidditchis. Dico, que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme, qu'il ne se porte point bien. Bon. Qu'il est urbuscule, pour ne pas dire dur. Fort bien. Repoussant. Et même un peu capricorne. Bene. Soit qu'il marque une intempérie dans le parent rhin splénique, c'est-à-dire la rate. Optimé. Mais non, monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade. Eh oui, mais qui dit parent qui me dit l'un et l'autre à cause de les pattes sympathiques qu'ils ont ensemble, par les moyens du basse-brève, du pylore et souvent des mea colidoc. Il vous en donne sans doute de manger force rôti. Eh non, rien que du bouilli. Eh oui, rôti, bouilli, c'est même chose. Il vous en donne fort prudemment et vous pouviez tomber entre de meilleures mains. Monsieur, combien faut-il mettre de grains de sel dans un œuf? 6, 8, 10, par les nombres pairs. Comme pour les médicaments, par les nombres impairs. Jusqu'au revoir, monsieur. Et c'était bien sûr un extrait du Malade imaginaire de Molière. Il s'agit d'un enregistrement de la pièce au théâtre du Palais de Chaillot, interprétée par la troupe du Théâtre National Populaire. Et figurez-vous que c'est un enregistrement de 1957, diffusé à l'époque sur la RTF. Véronique Boudon-Milot, les médecins de Molière ne sont-ils que des caricatures de la médecine hippocratique et galénique, inventant plein de choses, des histoires de nombres pairs et nombres impairs qu'on aurait bien du mal à trouver dans le corpus originel? Y avait-il quand même de meilleurs médecins que ces oseaux? Alors, Molière était un bon lecteur, finalement, de cette médecine antique, même si, évidemment, il va la caricaturer. La force et l'importance des nombres, eh bien, on trouve ça chez Pythagore, déjà, et c'est quelque chose qu'il a puisé, naturellement, à cette médecine antique, mais qu'il a caricaturé en partant des réalités autour de ce qu'on appelle la sphygmologie, c'est-à-dire l'importance de prendre le pouls du malade. Ça, c'est pas idiot, hein. Pas du tout idiot et tout à fait en usage et en honneur chez Galien, qui a consacré plus de 16 livres à cette science du pouls, de la sphygmologie. Donc, Molière, un bon lecteur de cette médecine antique, mais évidemment pour les besoins de la comédie, qui va la caricaturer. Et peut-être y a-t-il une détresse derrière le comique, parce que Molière était très malade. Il aurait bien aimé être mieux soigné. Bien sûr. Et ce conflit, ces médecins rassemblés autour du malade et qui vont rivaliser pour nous d'absurdité, c'était des scènes auxquelles on assistait déjà à l'époque romaine, où autour du lit d'un malade, plusieurs médecins pouvaient être rassemblés, chacun proposant son interprétation, et quand les désaccords surgissaient, on pouvait même, nous dit Galien, en venir aux mains. Donc le terrain et le climat n'étaient pas toujours très pacifiques. Florence Bourbon, quand même, pour nous aujourd'hui, tous ces médecins qui ont été formés à l'école d'Hippocrate et de Galien nous paraissent un peu comme des médecins de Molière, quoi. C'est-à-dire cette histoire du flegme. D'ailleurs, c'est quoi le flegme? Tiens, expliquez-nous. C'est important. Il y a cette idée aussi des muqueuses qu'il faut regarder. Mais au fond, toute la partie observation nous intéresse. Hein, mais les mots ont changé. Et puis les traitements, enfin, on pouvait pas faire grand chose en vérité. Donc, c'est vrai que pour nous, ils sont tous un peu maintenant comme des médecins de Molière. On ne sait rien de l'efficacité des médicaments. Il faut bien comprendre que si on a des catalogues interminables, c'est parce qu'on essayait un remède sur la patiente ou sur le patient et qu'on l'appliquait jusqu'à ce qu'on... Enfin, on faisait des essais jusqu'à ce qu'on trouve le bon. Ouais. Donc, en fait, il y a vraiment une démarche expérimentale aussi chez les médecins. Ce qui est remarquable, ce qu'on perd de vue, c'est que les médecins portent sur le corps humain, une espèce de lumière rase, si vous voulez, comme à la tombée du jour, qui met bien en lumière toutes les particularités du corps et des indices. Donc je pense qu'en fait, ils avaient moyen d'intervenir. Ils ont découvert, par exemple, vous parliez des médicaments tout à l'heure, la mouche cantaride, qui est une mouche dont ils enlevaient les pattes et les ailes pour garder l'estomac, qui avait un effet vésicant. Ils ont trouvé des remèdes. La cantaride, en fait, utilisée pour des raisons aphrodisiaques à un moment donné. Oui, alors ils ne l'utilisaient pas de façon aphrodisiaque, mais ils l'utilisaient vraiment pour justement irriter le corps et faire sortir les humeurs. Le phlegme, il a une longue histoire. À l'origine, ça désigne l'inflammation, donc le chaud. Et ça a fini par désigner une humeur froide. Donc c'est les mucosités, c'est ça ? Oui, on est obligé de comprendre qu'il s'agit de cela. Et ce n'est pas toujours désigné par le mot phlegme. Quelquefois, c'est désigné par salure. C'est bizarre parce qu'une inflammation, on pourrait penser que ça nous mène vers le chaud. Mais là, ça nous mène vers le froid. Alors, c'est peut-être un raisonnement de contraire. Finalement, le chaud a finalement peut-être provoqué une humeur froide pour refroidir le corps. C'est comme qu'il réfléchit. C'est intéressant, vous refaites le raisonnement. Oui, je refais, mais c'est une interprétation. Bon, allez, un mot sur la maladie sacrée. Elle n'est pas sacrée, l'épilepsie ne vient pas des dieux. Elle est rationnelle, à la portée des médecins, pensait déjà Hippocrate. Cela dit, qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce qu'il parvenait à faire pour les épileptiques ? Alors, c'est vrai que ce traité de la maladie sacrée, c'est paradoxalement, en prenant cet exemple de la maladie qui était considérée comme la plus divine qu'il puisse être, celle envoyée par les dieux, eh bien c'est en prenant cette maladie dite divine que l'auteur hippocratique va montrer que cette maladie, l'épilepsie, comme toutes les autres, n'a pas d'origine divine, mais une cause rationnelle qu'il faut rechercher. Et qu'on n'a pas trouvé. Et qu'on n'a pas trouvé, mais qu'on va expliquer. Parce que il faut rendre justice à ces médecins et en même temps voir leurs limites. Ce sont de formidables observateurs, on ne l'a pas peut-être assez dit. Ils décrivent le corps humain, j'allais dire, comme personne. Certaines de leurs observations sont passées encore dans la médecine contemporaine, comme la fameuse description du faciès hippocratique, à laquelle il n'y a pas à toucher une ligne. Mais la maladie sacrée, eh bien, fait exception, ou plutôt ne fait pas exception, comme toutes les autres, elle a une origine rationnelle. Je n'ai pas besoin de docteur, j'ai simplement besoin que tu m'aimes mieux. Je n'ai pas besoin de docteur, j'ai simplement besoin d'être heureux. Tu dis que je te rends la vie impossible, que je suis devenu complètement fou, que de me supporter devient trop pénible, que tes nerfs vont lâcher, que tu es à bout. Tu dis que tout cela ne peut plus durer et qu'il faut que je pense à me faire soigner. Non, il n'a pas besoin de docteur. C'était Eddie Mitchell dans son album de 1972, Dieu bénisse le rock'n'roll. Je vous remercie beaucoup Véronique Boudon-Millot et Florence Bourbon pour vos éclairages sur cette troublante médecine antique et médiévale. À travers Galien et Hippocrate, vous avez reconstitué le corpus d'origine et son savoir induit. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose d'écouter maintenant Frédéric Worms. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi fallait-il écrire sur Homère en 1940 ? En 1940 et en 1941 paraissent deux parties d'un très important article sous un pseudonyme dans une revue publiée dans la zone libre de la France à Marseille, Les Cahiers du Sud, et signée Émile Novis. Qui était cet Émile Novis, N-O-V-I-S ? Eh bien, c'était le pseudonyme, l'anagramme quasi parfait du nom de Simone Veil, la philosophe, la disciple d'Alain, mais qui renonça au pacifisme d'Alain que celui-ci exprimait après la Première Guerre mondiale dans un livre intitulé « Mars ou la guerre jugée » et Simone Veil donc publie en deux livraisons dans les Cahiers du Sud un article extraordinaire intitulé « L'Iliade ou le poème de la force ». L'Iliade ou le poème de la force qui répond au fond 25 ans plus tard à « Mars ou la guerre jugée ». Dans « Mars ou la guerre jugée », Alain pensait que le jugement libre et éclairé des démocrates pouvait suffire à éviter la guerre une fois pour toutes. Les dieux surgis de l'imagination passionnelle, Mars, le dieu de la guerre, pouvait être terrassé par la raison. Mais Simone Veil, entre 1941, et elle allait décéder bientôt en Angleterre, en pleine Seconde Guerre mondiale, Simone Veil voit les choses plus durement. La guerre fait partie plutôt de l'empire de la nécessité sur les hommes, d'une forme de la nécessité brutale sur les hommes, ce qu'elle appelle la force, qui détruit l'âme humaine, et pour y résister, il faut toujours faire entrevoir un autre rapport à la nécessité qui y voit une relation morale, qui y voit la lueur du bien et de la justice. Mais pour cela, encore faut-il décrire la radicalité de la guerre et de la force, et c'est ce qu'elle fait dans l'Iliade ou le poème de la force, où elle reprend la lecture d'Homère, comme le fait une autre de ses contemporaines de manière différente, peut-être moins radicale, Rachel Bespalov au même moment. Mais Simone Veil, elle, voit dans l'Odyssée et surtout dans l'Iliade d'Homère une description réaliste de la guerre, de sa destruction des hommes, la manière dont un couteau sur la tempe, dit-elle, fait d'un homme une chose, au bon pouvoir de celui qui le domine, qui détruit l'âme au point d'en faire un objet, ou un ver tremblant de peur devant la réduction opérée par la force. Mais ce qui fait la grandeur de l'Iliade, dit-elle, c'est que malgré cette description radicale, ou plutôt à cause de cette description radicale de la violence et de la force des humains, Homère teint aussi son poème d'universel, d'une souffrance universelle. Il ne prend pas parti, les uns et les autres vont tour à tour être soumis par la force. La force réduit les hommes à des choses, mais non seulement les vaincus, mais aussi les vainqueurs, non seulement ceux qui sont à la pointe de l'épée, mais ceux qui en tiennent le manche. Ainsi, Homère imprègne son poème non seulement de la radicalité, de la réalité de la guerre, mais aussi d'une résistance morale, d'une amertume universelle, dit-elle. Ainsi, il faut retrouver ce génie d'Homère. Rien de ce qu'ont produit les peuples d'Europe, dit-elle dans la dernière phrase, ne vaut le premier poème connu qui soit apparu chez l'un d'eux. Ils retrouveront peut-être le génie épique quand ils sauront ne rien croire à l'abri du sort, ne jamais admirer la force, ne pas haïr les ennemis et ne pas mépriser les malheureux. Il est douteux, conclut-elle, que ce soit pour bientôt. Il fallait donc bien relire Homère non seulement pour la réalité du mal, mais aussi pour l'imprégnation par la lueur du bien, la nostalgie de la joie et de la justice, la nostalgie de l'amour et même des bains chauds, dit-elle en pensant à Andromaque, mais aussi pour ce réalisme de la guerre contre lequel il ne faut jamais se leurrer et céder. Merci Frédéric Worms qui cette semaine nous parle de la Seconde Guerre mondiale. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Axel Dubois, Chaïma Giboire, Anna Fulpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.